Cette belle humeur de sa femme, qui choquait tout le monde autour de lui, était loin de choquer le baron de Montrescan. Il s'en félicitait fort, au contraire. « C'est une femme matée, » se disait-il. « Voilà ce que c'est. Elle est matée. C'est mon système, mater les femmes. Depuis que la mienne a reçu une leçon, un peu verte à la vérité, elle est revenue au bon sens pratique. Elle est 100 fois plus heureuse et plus aimable. C'est parfait comme ça, parfait, parfait. » Il s'était opéré en effet dans les goûts et dans les habitudes de Jeanne un changement très bizarre et très digne d'intérêt. Au lieu de s'attacher presque uniquement, comme autrefois, aux jouissances dont l'âme et l'intelligence sont la source, elle avait pris tout à coup le goût à peu près exclusif des plaisirs physiques. Elle n'ouvrait plus un livre, son piano restait fermé, son cher livre à serrure ne recevait plus ses impressions confidentielles, ni les extraits de ses poètes préférés. Elle avait perdu ce penchant tendre à l'émotion et à l'enthousiasme qui l'avait distinguée, et elle avait contracté cette vulgaire et détestable manie parisienne du persiflage perpétuel. L'équitation, la chasse, le billard, la danse étaient désormais ses passions maîtresses. Elle suivait à cheval les chasses à cours dans la forêt de Compiègne, à pied les chasses à tir dans les bois de la Vénerie, et elle ne s'en montrait pas moins chaque soir une valseuse infatigable. Les hommes ne l'avaient jamais trouvée si charmante, et il faut ajouter qu'ils ne l'avaient jamais soupçonnée d'être si coquette, car elle l'était devenue, et elle apportait même dans ce vice aimable, si nouveau pour elle, la gaucherie d'une débutante qui n'a pas encore le juste sentiment de la mesure. Ses vivacités d'allure et de langage dépassaient quelquefois la nuance qui sépare la bonne compagnie de la mauvaise. Mais cela ne déplaisait pas à M. de Montrescan. Il s'en amusait, il en riait avec ses amis. « Elle est déniaisée, » disait-il. « Elle commence une existence nouvelle. Il y a un peu d'excès dans le ton. Elle est comme les nouvelles mariées qui disent des sottises le lendemain de leurs noces. Mais ça passe. »